J'arrive comme Karim, toi comme APG. SOBB, SOS Boy, SD67 et KO, Dio 16 Boy. Yo's brisé comme négro de Les Boy, t'es dépassé comme Nintendo NES Boy. Tous les jours au-dessus de tous ces négros, fume la OG7 qui fait tous ces négros. On arrive, j'te fonce, cette de pousser négro. J'préfère acheter des guns que de pousser négro. Ils mettent des jupes SO Écosse, top dans Bendo SO Tricot. Pour les fois facile SO l'école, j'prends le bien vesti en Afrique SO Écosse. Négro, j'veux les thunes comme un trafiquant. Dans le complot comme le Vatican. La plupart de mes négros sont pratiquants. Les saveurs négro, tes sons sont pas piquants. Négro, t'as pas de sous, tu mens. Tu crois que t'es pas S dans tes locations. Remballe tes vieilles techniques d'occasion. Reprise de voler dès que j'ai l'occasion. Badère. Ne jamais juger un livre à sa couverture. Je m'infile dès que je vois une ouverture. SO Afro, je gratte sous ta couverture. Badère. SO Doc OVG, faut les lever. Original, voyou, SO MOV. Shenzhen, tu à propos de l'air comme José Bouvé. Gardien, équipe prochaine, tu sais que je maîtrise fils. Enchaîne les lignes comme Tetris fils. Je regarde ta carrière et c'est triste fils. Équipe. Équipe.